Alors Marc Oudou, chanteuse, tu composes voilà. Plus, tu fais plus de reprises, faut qu'on en sache un petit peu plus avant d'écouter un petit morceau. Je suis auteur, compositeur, interprète, donc mon instrument de base est la guitare. Après, je ne cache pas que je ne sais pas lire la musique, j'ai appris un peu toute seule au fond de ma chambre et après on s'est mis à écrire, à composer et j'ai imposé mon univers. Alors, est-ce que tu composes à plusieurs mains? Comment ça se passe, la composition de tes morceaux? Eh bien, d'abord, je trouve la mélodie et ensuite, on commence à écrire le texte selon la mélodie. On essaie d'être inspiré du quotidien, de nos histoires, de nos problèmes, de nos bonheurs et voilà. Tout de suite, moi, ce que je pense, on va s'écouter juste un petit peu d'amour, forcément. Alors, juste un petit peu d'amour, oui, pourquoi pas. D'ailleurs, ça a été la première musique sur laquelle j'ai posé. Je ne l'ai pas écrite ni composée. C'était un producteur, Gérard Fallès, qui a travaillé sur le tournage d'Hélène et les garçons, Dorothée, qui a travaillé avec AB Productions. D'accord. Et alors, donc, ça, voilà, c'était une belle aventure, alors. Voilà, ça a été une belle aventure et c'est grâce à lui que tout a commencé, que mon parcours a pu se développer. D'accord, et bien on écoute tout de suite Margot Lou, juste un peu d'amour. Merci beaucoup. Ça se sent dans la voix, ça se sent juste un petit peu d'amour avec nous sur Arc-en-Ciel, Margot Lou. Alors juste un petit peu d'amour, c'est du vécu, Margot? Comment elle t'est venue un petit peu cette idée avec la musique? Alors ce n'est pas moi qui l'ai écrite ni composée. Oui. La chanson a été écrite et composée par Gérard Fallès. Tu l'as aidé quand même dans les intuitions? Non, pas du tout, c'est directement arrivé, c'est surtout ça? Le projet était déjà monté, il manquait plus que la chanteuse pour poser sa voix. Et donc du coup j'ai accepté avec plaisir pour découvrir de nouvelles sensations aussi, parce que bon. Bien sûr. Alors, trois de vos chansons sont sur la compilation Lemon P Records. Je veux parler des titres Stockholm, Confusion, Transsexuel. C'est une fierté pour vous? Vous nous dites un mot là-dessus? Ah oui, ça c'est des fiertés, parce que ce sont des titres que j'ai écrites, composées, donc chantées aussi. Et c'est des musiques qui me représentent, c'est des sujets pour moi importants. comme par exemple transsexuel, je pense que c'est un sujet dans la société dont on n'en parle pas assez, justement pour moi. Pourquoi ? Je peux me permettre ? Vous êtes touchée de... Parce que j'aime beaucoup la communauté, j'ai côtoyé des personnes de ce milieu-là et malheureusement, on ne les met pas assez au grand jour. Ils sont sans arrêt renfermés sur eux, dans la société. En souffrance. C'est malheureusement dommage pour eux. En souffrance, c'est ça ? Voilà. Eh bien, moi, ce que je pense, c'est pour leur rendre hommage et te rendre hommage aussi, on va l'écouter tout de suite, transsexuel Margolou. Ouais. Voilà, mais merci beaucoup. Eh bien, c'est normal. Allez, tout de suite, Radio Arc-en-Ciel, le 96.2. Patrick, Émilie, Sébastien, et Margot Lou, et on écoute tout de suite une chanson de Margot Lou, transsexuelle, sur le 96.2. Question de sexe, exactement, il s'agit de transsexuel avec Margot Lou. Alors, ce petit morceau-là, quand on écoute les paroles, ça veut bien le dire. Ça exprime vraiment l'émotion que tu voulais donner. Est-ce qu'il y a un petit clip qui va avec ça ? Il y a juste la chanson ? Alors, pour l'instant, on travaille uniquement les chansons, la composition de l'album dans le studio et on verra éventuellement de plus tard mettre une image à ces chansons. D'accord, il en travaille. Alors, est-ce qu'on peut te retrouver ? Dis-nous un petit peu plus sur les dates. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Et puis, on va parler de l'album aussi. Où est-ce qu'on peut le retrouver ? On peut me retrouver donc sur ma page officielle Margot Lou sur Facebook. Oui, Margot Lou sur Facebook. Avec toutes les activités, tout ce qui se passe prochainement et qui a pu se passer. Et très prochainement, donc le 22 juillet, à Villefranche de Rouëg, au Total Music Live, accompagné de Joël Jonathan, Magic System et bien d'autres encore. Pour une scène en live point. Alors donc là, c'est une grande première pour toi d'être exartiste comme ça sur scène ou c'est un kiff, c'est une envie, est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Oui, alors j'ai fait des scènes étant un peu plus jeune, C'est vrai que c'est un plaisir de partager parce que je fais aussi des musiques et c'est pour partager. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Plein les oreilles.